Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François Lusignan. Bienvenue à l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. Et ce soir, spécial années 90, donc pour la prochaine heure, indie rock des années 90. On commence en fait, première partie ce soir, avec la première moitié de la décennie, donc période 1990 à 1994. Et la deuxième moitié, on va regarder ça dans deux semaines. Ce sera vers le 18 janvier, c'est ça. Donc, spécial indie rock des années 90, mais on va un peu passer à côté des gros noms comme Pavement, Pixies, Sebado, Sonic Youth, Eric Strip, qui est vraiment le Eric Strip, qui est le groupe le majeur au Canada. Mais on va plutôt donc regarder des groupes plus un peu plus underground, en guillemets. Et l'objectif du spécial de ce soir n'est pas non plus de passer à travers tous les incontournables, mais de visiter quelques groupes de cette époque-là. Et vous allez remarquer que je passe aussi à côté de tout ce qui est grunge également. On n'a pas le temps, malheureusement, d'aller voir de ce côté-là. On va commencer avec Blake Babies, qui est un groupe de Boston qui, lui, a été actif entre 86 et 91. Et par la suite, la chanteuse Juliana Hatfield va connaître un peu plus de succès avec une carrière solo. Donc, on va écouter de leur album Sunburn, sorti en 90. La chanson I'm Not Your Mother de Blake Babies. Et ça sera suivi de 18 Die, qui lui est un trio européen qui a été signé sur Matador. À l'époque, c'était un peu un crime d'être signé sur cette étiquette-là. C'était considéré comme une trahison. Mais bon, donc de leur premier album qui s'appelle Done, vous allez entendre Wall Wide World de 18 Die. Mais pour commencer, Blake Babies sur les ondes de CISM. Jail avec Not Happy, tiré de leur album Dream Cake, qui est sorti en 1994. Et Jail était un des nombreux groupes de la scène rock de Halifax du début des années 90, avec entre autres d'autres groupes comme Sloan et Eric Strip. Donc Jail, un groupe du début des années 90, vous avez remarqué que vous êtes dans un spécial années 90 ici à l'émission Le Terminus. Et j'ai pas la prétention d'avoir vraiment connu ces groupes-là. Je suis un petit peu trop jeune pour ça, mais c'est quand même plaisant de ce soir de regarder ce qu'il y avait comme rock à cette époque-là. Parce qu'on, au courant de l'année 2012, on a souvent entendu parler que des nouveaux groupes qui tournent actuellement sonnent comme des groupes des années 90. Donc, ça m'a donné l'idée d'aller voir qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. Et dans deux semaines, on ira voir la fin de la décennie 90. On va poursuivre avec les Britanniques de Faith Healers, qui avaient un son assez unique à cette époque, une espèce de son planant noise, mais encore un peu plus noise même que leurs compatriotes de My Bloody Valentine. Et du EP Mr. Litnansky, qui est sorti en 92, c'est ça. Voici donc Faith Healers avec leur chanson My Loser sur les ondes de CISM, le 89.3. jusqu'à 21h, vous écoutez l'émission Le Terminus spécial début des années 1990. Et donc, dans le dernier segment, vous venez tout juste d'entendre Swirlies avec Tree Chop Down, qui tirait de leur premier album qui est sorti en 1993 et qui s'appelle Blunder Tongue Audio Baton. Et Swirlies, comme beaucoup de groupes que vous allez entendre ce soir ou que vous avez déjà entendu, est pas mal c'est séparé ou est plus en activité. Mais Swirlies, de leur côté, ils ont quand même sorti un album en 2003. Ils continuent à faire des spectacles dans la région de Boston, d'où ils sont originaires. Donc, un des seuls groupes encore actifs, Swirlies. Et juste avant, c'était Unrest avec Cherry Cream On, qui se retrouve sur Imperial FFRR, leur excellent album qui est paru en 92 et qui est leur dernier album en carrière et qui marquait une espèce de... En fait, non, leur avant-dernier album. Ils ont sorti un album l'année suivante, en 93. Et ces deux albums-là marquaient un virage un peu plus... pop, si je pourrais dire, dans le son de Unrest, qui est un groupe de Washington qui va s'être séparé par la suite en 94. Et en 95, il y a trois des membres du groupe Unrest qui vont sortir un autre album avec des sonorités un peu similaires sous le nom de Air Miami. Donc, c'est à explorer si vous avez aimé Unrest. Et ça commençait tout ça, ce bloc-là, si ça vous intéresse. En fait, la feuille de route va être disponible sur le site de CSM après l'émission, mais c'était The Faith Healers qui avait débuté le segment musical. On va poursuivre avec Slow Dive, la chanson When the Sun Hits sur les ondes de CISM. Yeah. de leur album Today's Active Lifestyles. C'était Paul Vaux avec Tile Breaker, une chanson qui a quand même très très bien vieilli, hein, une chanson qui remonte à déjà 20 ans en arrière. Et juste avant ça, c'était Girls Against Boys, qui sont souvent comparés à Fugazi, entre autres pour l'espèce de section rythmique qui rentre dedans du groupe. Ils avaient entendu Like Flynn, qui est tiré de Venus Luxure Number One Baby, qui est également sorti en 93. Et ça commençait par un autre album qui était également sorti la même année, en 1993. C'était Slow Dive, qui était le représentant du shoegaze ce soir à l'émission. La chanson When the Sun Hits. On va maintenant poursuivre avec la portion francophone de ce spécial années 90. Je dois vous avouer que c'est un peu plus compliqué à préparer que la première section anglophone. J'ai décidé de me consacrer vraiment à la scène locale québécoise. Donc, dans la première moitié des années 90, on remarque que c'était très marqué le son par le punk rock, donc pas beaucoup de variété à ce niveau-là. Sinon, on peut aussi remarquer que, ou en fait se rappeler que CISM, si aujourd'hui on aime dire que beaucoup de groupes francophones, CISM sonne bien, mais c'est parce que CISM est le reflet en fait de la qualité de la scène locale et aujourd'hui très très active comme on le sait. Mais à l'époque c'était plus difficile, les groupes, il y avait quand même plusieurs groupes, mais les groupes avaient des difficultés à enregistrer, à se produire sur disque, donc ça se reflète dans la quantité de disques qui étaient produits à l'époque. Aujourd'hui, on sait c'est plus facile, entre autres avec Internet, de diffuser sa musique et d'enregistrer aussi sa musique. Donc, j'ai décidé encore cette fois-ci, comme pour le côté anglophone, de laisser de côté des groupes plus importants comme Grimmskunk, Mauvais Quart d'heure ou encore du côté de la France comme Molodeuil et Noir Désir. Donc, on va commencer avec un groupe québécois, Banlieue Rouge, qui était probablement le groupe avec l'accent le plus français du groupe qu'on va entendre, de la sélection qu'on va entendre dans les prochaines minutes. Ça va commencer donc avec Banlieue Rouge, Star System, de leur album Que tombent les masques, qui remonte à 1992. Et ça sera suivi avec un autre groupe assez surprenant, vous allez voir. Donc on commence avec Banlieue Rouge, l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. passion. Béton. Ni jamais de complications. Béton. J'ai jamais de contraventions. Ni jamais de constipation. Béton. J'ai jamais d'hallucinations, d'inondations, d'infections. Je connais pas du conspiration, la corruption, les agressions. Ça me dérange pas les pendaisons, les dissections, les collisions. Plus qu'une cochon, les boutons, les menstruations de Cendrillon. Éric va aux toilettes avec Bloc de Béton, une chanson qui se retrouve sur la compilation Lâche et Lousse, qui est sortie en 1990. Compilation assez spéciale, assez précieuse, qui regroupait à l'époque plusieurs groupes dont on n'aura jamais rien entendu parler par la suite, en fait, de mon côté, comme par exemple les Mongols, Barf, on connaît ça, les Taches et aussi Biberon Bâti, qu'on va entendre dans quelques minutes. Compilation donc produite par Tir Groupé et qui a heureusement réédité, en fait, ou rendu disponible dernièrement cet automne sur Bandcamp la compilation complète en format numérique. Donc, on peut maintenant l'acheter et réécouter ces magnifiques groupes du début des années 90 qui, pour la plupart, auront sombré dans l'oubli par la suite. Et si je me rappelle bien, il me semble que Martin Roussy, à son émission Le Manchot, avait fait passer ça il y a quelques semaines avant de disparaître, avant que son émission disparaisse là, dans le temps des fêtes. Donc, Éric, va aux toilettes, c'est à réécouter sur le Bandcamp de tirgroupé.bandcamp.com. On va donc poursuivre avec, je le disais, les Biberons Bâti qui sont également sur la même compilation, mais j'ai plutôt choisi une chanson qui se retrouve sur leur album Ataboy, on meurt, qui lui est sorti en 1993, qui est une espèce de rassemblement de leur production des années auparavant, dans la fin des années 80. Et on va entendre la chanson « Je suis gentil » des Biberons Bâti. Biberons Bâti, qui est le projet de l'alter ego de Bruno Tanguay, qui s'appelle « Satan Bélanger ». Donc voici la chanson « Je suis gentil » des Biberons Bâti à CISM. Je suis allé au garage et je we'll Un groupe qui est fondé, qui a été fondé en 1986, c'était Groovy Aardvark avec Y a-tu quelqu'un? Ça se retrouvait sur leur album Eater's Digest qui est sorti en 1994. Et l'année dernière, pour leurs 25 ans, le groupe était en spectacle au Francofolie. Il semblerait que le groupe de Vincent Peake sera de retour en spectacle au courant de l'année 2013. Donc, soyez à l'écoute si vous aimez Groovy Aardvark, qui n'est pas vraiment un groupe rock indépendant, peut-être plus dans la mouvance rock alternatif. Mais bon, c'était un incontournable pour ce début des années 90 spécial à l'émission Le Terminus. On va poursuivre dans deux semaines avec la deuxième portion des années 90. Et juste avant Groovy Aardvark, c'est vrai, c'était Les Secrétaires Volantes avec Moustachu à vos au rasoir. C'était sur leur album, leur premier album, Meconium, sorti dans ces années-là. Et reste à l'écoute, Zika Mendes se suit dans quelques instants avec son émission La MyFi. On va se quitter avec, je m'étais promis de ne pas en faire jouer, mais bon, le temps file, il ne reste plus beaucoup de temps. On va écouter du Pavement, tiens donc, de l'album Slanted and Enchanted, qui est sorti en 1992, c'est tout ça. Enfin, ça sera la chanson Perfume Vie. Pour les archives de l'émission, c'est leterminus.ca. Également, réécouter l'émission et trouver la liste des chansons, c'est sur le csm893.ca. Donc, on se quitte là-dessus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Passez une très bonne fin de soirée. À bientôt. Ciao. C'est les criquets clinqués. Des bonnes tunes, des primeurs dans le monde de l'indie rock, du post-rock, du shoegaze, de l'électro et plein d'autres bébites. Les criquets clinqués, c'est ta dose de musique moderne. Les lundis soirs, 22h sur les ondes de CISM, le 89,3 FM. Téléphone, l'application Tabasco Thierry. Thierry, c'est lundi soir. Qu'est-ce que je peux faire?